Vas-y, c'est moi, je t'aime. En fait, t'es sérieux, toi, tu m'envoies des jeux de game, tu me manques, et là, t'es avec ça, là. Et puis moi, t'as pas changé, t'as le grand charme. Shorty, t'inquiète, j'suis ton grand frère. Il fait gangster, mais j'veux le faire. J'veux pas te voir souffrir à long terme. T'es ma petite sœur et ça me concerne. Ça c'est le standard. Fais gaffe à tous ces hommes qui n'en font pas. Au début ils sont mignons, ils sont sympas. Ils jouent bien de la flûte, mais ça compte pas. Ça compte pas. Y'a rien qui m'a bouffé les bulles, fini aux autres. Il me dit qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Y'a rien qui m'a bouffé les bulles, fini aux autres. Il me dit qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Avec tes folles, avec tes...